Dernière journée de la semaine et dernière table ronde aujourd'hui, puisque nous avons diffusé tout au long de la semaine les 5 tables rondes enregistrées samedi dernier en public dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et c'est aujourd'hui l'heure de la leçon de clôture. Leçon de clôture adressée par Monsieur Hubert Reeves, que l'on retrouve tout de suite. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne pour cette leçon de clôture qui vient conclure une journée riche de ce forum L'année vue par les sciences, où nous avons abordé beaucoup de sujets passionnants et divers. La journée a été une journée foisonnante de discours scientifiques. Il était question d'eau dans le système solaire, de politique de la recherche, de la dictature des algorithmes, du microbiote intestinal. Et nous avons donc maintenant le grand honneur et le grand plaisir de conclure ce forum avec Monsieur Hubert Reeves. Bonsoir. Alors Hubert Reeves, je ne vais pas vous faire l'affront ni l'affront au public de vous présenter, mais bon, allez, je vais quand même le faire parce que ça serait pas drôle sinon. Vous êtes astrophysicien, président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité, président d'honneur également de la toute nouvelle agence de la biodiversité qui est entrée en service le 1er janvier dernier. Et pour ouvrir cette leçon de clôture, ce qui est un bel oxymore, ouvrir la clôture, vous avez... Vous qui avez passé votre carrière scientifique la tête dans les étoiles, vous êtes aujourd'hui engagé dans la préservation de la Terre. Alors de l'astrophysique à la biodiversité, est-ce qu'il y a un continuum, un mouvement naturel ? Alors, il y a la différence ou la distinction que j'aime faire entre astronomie et écologie, c'est que astronomie, science, ça nous parle de notre passé. Ça nous dit comment, grâce à des quantités de phénomènes stellaires, galactiques, planétaires, on est arrivé à être ici. Donc la science nous raconte notre propre histoire. D'où venons-nous? Quelles sont les circonstances stellaires qui ont joué un rôle? Et tout cela, c'est le passé. C'est l'histoire de comment nous sommes arrivés à être ici aujourd'hui. Ça, c'est le côté astronomie. Le côté écologie, c'est dire, oui, mais attention, regardez-y de près, tout ça ne se passe pas si bien que vous pensez. En fait, tout ça est menacé et l'humanité pourrait disparaître. Voyez le contraste. La belle histoire, c'est comment l'humanité est apparue avec son gros cerveau, ces magnifiques choses que nous sommes en mesure de faire et tout ça. Et la moins belle histoire que nous devons bien affronter, c'est que oui, mais nous sommes menacés. Et nous sommes menacés par quoi? Par nos propres inventions. Je vais vous raconter une petite histoire que je trouve toujours pleine d'instructions. Ça s'est passé en 1983 au Kremlin. C'est un monsieur qui s'appelle Stanislas Petrov qui est aux commandes de l'arsenal nucléaire des Soviétiques. Ce monsieur a le bouton rouge devant lui. Il reçoit une information de son quartier général qui lui dit « Les Américains ont lancé 5 ogives nucléaires ». Elles seront ici dans 15 minutes. C'est à vous. Monsieur Petrov ne fait rien. Heureusement. Parce que c'était une fausse alarme. Mais je crois qu'il sait bien de revenir sur cet événement parce qu'il met en évidence jusqu'à quel point nous sommes fragilisés, nous sommes dans un état précaire. Si ce monsieur qui avait le jugement, qui avait le pouce, qui aurait pu déclencher l'alarme, vraisemblablement, nous ne serions pas ici aujourd'hui. C'est à ce point-là que nous sommes fragiles. Nous devons nous en rendre compte et nous rendre compte que ce qui aurait pu nous éliminer, ce n'est pas les bêtes sauvages comme dans le temps ou le froid ou le chaud, c'est nos inventions. C'est ce que nous, étant l'espèce la plus intelligente de la planète, du moins nous aimons le croire, nous avons été capables de faire des instruments qui pourraient éliminer l'humanité. Ça pose la question plus générale. L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Imaginez que Monsieur Petrov, d'ailleurs qui a été récompensé après, vous pourrez trouver tout ça sur Internet, il a reçu des prix. D'abord, il a été blâmé parce qu'il n'avait pas obéi. On lui a dit, pourquoi vous n'avez pas poussé sur le bouton? Vous aviez toutes les instructions. il a dit, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Vous voyez, c'est quoi repose notre existence aujourd'hui. Parce qu'un monsieur a dit, j'ai réfléchi et j'ai pensé que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc nous sommes devant cette difficulté de notre intelligence. Personne ne viendra nous sauver du ciel si nous n'arrivons pas à gérer notre propre utilisation de notre intelligence, c'est-à-dire notre capacité de faire des bateaux qui prennent des poissons à une telle vitesse qu'on est en train de vider les océans, des poissons, de couper des forêts d'une façon fabuleuse au Congo, en Indonésie et en Amazonie. Tout cela, c'est nous. Il faut bien être conscient, se mettre devant ce que c'est que d'être des êtres humains. Avec cette énorme, cette gigantesque puissance, aussi bien pour faire des belles choses, nous avons fait, enfin nous entre guillemets, nous avons fait Mozart, Beethoven, Wagner, nous avons fait Einstein, nous avons déchiffré les lois de la nature, nous sommes une espèce fabuleuse, fabuleuse également par rapport à ce que nous pouvons faire, jusqu'à quel point aujourd'hui nous saccageons notre planète d'une façon complètement imbécile, nous coupons la branche sur laquelle nous sommes perchés, et nous sommes devant cette nécessité, cet énorme objectif, mais qui va être très difficile à remplir, de s'arranger pour utiliser notre intelligence, j'allais dire d'une façon intelligente, c'est-à-dire non pas de nous éliminer. Donc voilà le rapport que je fais entre astronomie et écologie. Écologie, c'est soyons lucides. Vous dites quelque chose que je trouve passionnant. Vous dites... Le scientifique qui découvre que l'univers possède une histoire découvre en même temps que cette histoire est la sienne. Quelqu'un qui écrit sa propre histoire est un autobiographe. La science, en somme, est une immense autobiographie. Tout à fait. C'est ce qu'on réalise après coup. On s'en rendait pas compte. D'ailleurs, on ne le savait pas. Un événement important, c'est le moment où on a découvert que l'univers a une histoire. Depuis Aristote, depuis la Grèce ancienne, on vivait dans l'idée que l'univers est immortel et inchangeant. Comment savons-nous que ça n'est pas vrai? C'est grâce à des astronomes et des bricoleurs de télescopes. J'aime beaucoup rendre hommage aux bricoleurs de télescopes qui nous ont donné tellement de connaissances simplement parce que dans leur boutique, ils ont travaillé des lentilles. Vous vous rendez compte ce que ça a donné d'avoir des microscopes, découvrir toute la vie microbienne, des télescopes, etc. C'est fantastique. Eh bien, parce que des gens ont fabriqué des télescopes, qu'on a fait des télescopes de plus en plus gros, de plus en plus puissants, de plus en plus efficaces, qui permettent de voir de plus en plus loin, et que vers les années 1930, un groupe d'astronomes en Californie, Hubble, Slipher et d'autres, ont découvert ce phénomène qu'on appelle l'expansion de l'univers. C'est-à-dire, ils ont découvert que toutes les galaxies s'éloignent de notre galaxie, un grand mouvement d'ensemble de l'univers, ce qu'on a appelé l'expansion de l'univers, qui nous a montré que l'univers a une histoire. Il y a une histoire de l'univers qui a été confirmée par le rayonnement fossile, maintenant que nous avons des images en direct du passé de l'univers, et que cette histoire nous montre que, d'abord, les scientifiques qui observaient dans le passé un univers éternel, inchangeant, se trompaient, Aristote se trompait, l'univers n'est pas éternel, il a un passé, il a un début, on ne comprend pas très bien, loin de là. Qu'est-ce qui arrivera dans le futur? On ne sait pas très bien non plus. Tout ça, c'est compliqué. Mais enfin, les scientifiques, découvrant que l'univers a une histoire, deviennent des historiens. Et en découvrant cette histoire de l'univers, et bien sûr, les nouveaux historiens que sont les scientifiques, non seulement les astronomes, mais aussi les physiciens qui recherchent le passé de l'univers, eh bien, ils découvrent que l'histoire qu'ils sont en train de reconstituer, c'est leur histoire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez travaillé dans votre carrière d'astrophysicien, notamment sur la nucléosynthèse, c'est-à-dire sur ces phénomènes physiques et chimiques qui se passent à la naissance des étoiles, sur les origines de tout, de toute la matière qui existe dans l'univers. C'est remonté à la source du temps. Aujourd'hui, la biodiversité vous tourne, vous l'avez dit, vers le futur, conserver, en tout cas préserver le présent pour assurer un avenir. Cette notion de temps, elle traverse votre carrière, elle vous passionne, vous adorez, Hubert Reeves, cette interrogation autour du temps. Tout à fait. Cette vieille fascination des humains, la recherche des origines, c'est général chez les humains, les origines ethniques, par exemple, des populations qui ont été déplacées. Tout le monde a besoin, pour s'inscrire dans un lieu, dans le présent, de savoir d'où il vient. Donc c'est une obsession, une bonne obsession des humains. Oui, mais d'où je viens? Comment ça se fait que je suis là plutôt que de pas être là? C'est bien là la question. Vous avez, commencé votre carrière, c'est intéressant, au moment où l'astrophysique précisément posait les postulats, les premiers postulats de nos origines. C'est le moment où on a commencé à dire que l'univers n'était pas éternel, il n'était pas infini. Il y avait un début, qu'il y avait donc probablement une fin. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est en train de se dire, ben finalement, peut-être que le Big Bang, c'est pas un Big Bang, c'est un Big Bounce, ça a rebondi. Mmh. Donc on revient, on hésite entre la permanence et la finitude. Mmh. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce développement de ces nouvelles théories? Alors, je dirais, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel âge a le temps? Depuis combien de temps il y a du temps? Voilà une fameuse question. Alors, on peut se dire, eh bien, pour essayer de répondre à cette question, on va se dire qu'il y a du temps depuis de plus longtemps que les plus vieux objets. Quels sont les plus vieux objets de l'univers? Aujourd'hui, on sait dater les étoiles. On peut donner l'âge du Soleil, 4 milliards d'années, de certains amas globulaires, 11 milliards d'années, etc. On remarque qu'on ne trouve jamais une étoile ou un amas d'étoiles qui dépasse 15 milliards d'années. C'est vraiment la limite des plus vieilles étoiles. C'est un peu comme pour les êtres humains, 100 ans pour les êtres humains, pour les étoiles, 15 milliards d'années. Alors, on recommence avec les atomes. Maintenant, on sait mesurer l'âge des atomes, les atomes radioactifs en tout cas, qui ont des petites horloges intérieures, l'uranium, le thorium, et on cherche à évaluer les âges des atomes, on peut le faire dans beaucoup de cas, et on trouve aussi qu'il y a une limite. Il n'y a pas d'atome qui dépasse, disons, 20 milliards d'années, avec une marge d'incertitude plus grande. Alors, on se dit ceci, il y a du temps depuis au moins le temps qu'il y a des étoiles et des atomes. Donc, on se dit, ce temps qui continue, ce temps que vous percevez quand vous restez tranquille chez vous, que vous laissez passer le temps, vous vous demandez, eh bien, vous dites, il est au moins aussi vieux que ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, rien. Quand on essaie de répondre à cette question, je vais vous donner une question qui va vous empêcher de dormir. Vous dites, il y a deux possibilités. Le temps existe depuis toujours, par exemple. Oui, mais je n'ai vraiment aucune preuve. Et ça voudrait dire que pendant longtemps, il n'y avait rien. Et puis tout d'un coup, l'univers est apparu. Alors vous dites, non, je vais essayer une autre solution. L'autre solution, vous allez dire, eh bien, le temps a commencé avec l'univers. Avant l'univers, il n'y avait pas de temps. C'est une possibilité, mais est-ce que tout d'un coup, vous imaginez que le temps commence? Voyez, si vous essayez de tourner ces idées dans votre tête, vous avez une insomnie garantie. On ne peut rien dire de plus que de dire l'univers existe depuis au moins les plus vieilles étoiles. Aujourd'hui, on le date par d'autres façons que je vous donnerai pas. On le donne à 14 milliards d'années, 13,8 exactement. Mais en gros, disons 15, arrondissons à 15. Ça veut dire que ce temps existe depuis ce temps-là et que nous ne savons pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y avait rien avant? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait rien avant le Big Bang? Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que nous n'avons aucune évidence qui nous permet, aucun fossile, c'est toujours la question des fossiles. Si vous n'avez pas de fossiles, vous ne pouvez rien dire. On n'a aucun fossile qui nous raconterait que l'univers a plus que 15 milliards d'années. Peut-être un jour, on trouvera une étoile, une nouvelle étoile, qui aura 200 milliards d'années. Bon, on sera bien embêté, mais ce sera comme ça. Il faudra revoir les copies. C'est ça la science, on revoit les copies quand on voit que ça ne colle pas avec la réalité. Pour l'instant, on ne voit rien de plus vieux que cela. On dit qu'il y a du temps au moins depuis ce temps-là. On fait des scénarios, il y a beaucoup de physiciens, théoriciens, vous avez parlé des rebounds, de ces histoires-là qui, jusqu'ici, qui sont de la bonne science. C'est bien d'essayer d'explorer, mais en science, on veut des preuves, et des preuves, c'est des observations. Vous avez connu une période tout au long de votre carrière où l'espace, la connaissance se sont ouverts à l'humanité, où on a appris à dater l'univers, tout ce que vous venez de dire, où les sciences se sont, on l'a vu au cours de cette journée, de plus en plus spécialisées, on avance, on connaît de plus en plus, on connaît de mieux en mieux. Et pourtant, aujourd'hui, en 2017, eh bien, le discours scientifique est remis en cause, il est remis en doute. On constate que la planète se dégrade et que avancer dans les sciences, c'est avancer vers la connaissance peut-être d'une fin. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette injonction paradoxale ? À la fois, le futur s'est ouvert à nous et en même temps, on n'a jamais été aussi proche de la fin. Alors, ça remet en cause justement le comportement de l'humanité. Jusqu'ici, la vie s'est développée, elle existe sur la Terre, jusqu'au jour où apparaît un être humain qui a une fabuleuse intelligence, que j'ai raconté, qui met les choses... Mais ça ne met pas en cause la science. La science, c'est pas la vérité, il faut pas confondre. La science, c'est la plausibilité. Qu'est-ce que, à la lumière des observations et des théories que nous avons, paraît le plus vraisemblable pour le passé de l'univers? C'est ça, la science. Et c'est quelque chose d'éminemment précaire, parce qu'encore une fois, tout cela repose sur le fait que jusqu'ici, ça va, mais il suffirait de quelques observations, comme par exemple une étoile de 200 milliards d'années, tout à fait possible pour les instruments, c'est tout à fait à la mesure des instruments qui pourraient très bien le détecter, eh bien là, on serait obligé de remettre en question. C'est à la fois la fragilité, la précarité de la science, mais sa force aussi, parce qu'elle peut s'adapter. Si on lui donne de nouvelles données, elle dit « bon, ben, je rentre chez moi, je me gratte la tête et j'essaie de faire quelque chose d'autre ». Le doute, c'est l'élément fondamental de la science. Pourquoi vous me dites ça? Pour quelle raison je croirais ça plutôt qu'autre chose? C'est ça qui est la base même de la science qui a été inventée, comme vous savez, à Millet, on donne beaucoup l'école de Millet, 600 ans avant Jésus-Christ, avec Anaxagore, Anaximandre, les premiers qui disent « cherchons des réponses naturelles dans le monde de la nature à des questions naturelles ». Par exemple, une éclipse de soleil. Pendant longtemps, on imaginait des dragons géants qui venaient bouffer le soleil. Ça, l'école de Millet dit, on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas. Il nous faut des réponses naturelles. Et on trouve des réponses naturelles. Et c'est une invention magnifique qui nous a appris des quantités de choses fantastiques sur notre univers. Si vous pensez jusqu'à quel point aujourd'hui nous connaissons des choses sur le passé de l'univers qui étaient inconnues il y a 100 ans ou 200 ans, c'est fantastique. Mais il faut la remettre dans son contexte. Ce n'est pas un contexte dogmatique. C'est pas vous avez tort, vous avez raison. C'est, en fait, je dirais que le terme plus juste, ce serait le consensus. C'est celui que j'aime le mieux. C'est de dire, ce que la science accepte, c'est ce que la majorité des spécialistes reconnaît comme véritable. C'est ça, en définitive. Si vous questionnez les spécialistes qui connaissent bien une question, ils vous diront, nous, il nous semble que c'est comme ça, que c'est pas comme ça. Mais c'est ça qui est notre jugement, en définitive. Et on peut avoir tort. C'est pas une raison de penser que c'est la vérité absolue. Mais c'est ce qu'on a de mieux à se mettre sous la dent. C'est voilà. C'est ce que nous avons. Comment est-ce que vous expliquez alors que la science décrit aujourd'hui de façon de plus en plus précise le monde, l'univers, nos origines, tout ce que vous venez de dire, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui remettent en doute ce discours-là. Oui. Alors, il y a un mot que j'aime bien, qui vient du Québec. Ça s'appelle le PFH. Vous savez ce que c'est, le PFH? Non, vous allez me le dire? C'est le putain de facteur humain. Ça explique beaucoup de choses. Pourquoi des gens continuent à croire des choses qui sont tellement incrédibles, qui sont l'idée, par exemple, que l'univers a 6000 ans? Qui, avec une tête sur la tête, peut maintenant, avec tout ce que nous connaissons, imaginer que l'univers a été créé il y a 6000 ans? Eh bien, il y a des raisons, et en un mot, ces raisons-là, les gens les acceptent parce que ça les arrange. Ça arrange de croire ceci ou cela. Si vous êtes dans un lieu où, par exemple, vous êtes dominé par une caste qui vous impose telle croyance, autrement vous perdez votre job, comme en Union soviétique au temps de la biologie, eh bien, on l'accepte. C'est-à-dire que le critère de l'intelligence même et souvent mis de côté pour d'autres raisons qui sont en définitive parce que dans des circonstances, ça nous arrange. Ça nous arrange vis-à-vis de la majorité républicaine aux États-Unis, par exemple, d'être des climato-sceptiques, qui est contre tout le bon sens. Personne maintenant de raisonnable ne peut continuer à être climato-sceptique. Ça tient vraiment pas debout. Donc, sur le plan de l'intelligence, c'est nul. Mais pourquoi les gens continuent ces positions? Très souvent, c'est parce qu'on veut pas en entendre parler. C'est ce que Al Gore appelait une vérité qui dérange. Ça dérange les gens qui font fortune dans le pétrole d'apprendre qu'il faut arrêter de puiser du pétrole parce que le pétrole finalement tue dans le sens qu'il amène des réchauffements climatiques, des inondations, des îles qui sont ensevelies. Enfin, vous connaissez toute cette histoire. Eh bien, ça arrange quelquefois de penser quelque chose parce que cette chose-là dérange. C'est ça le PFH. Quelles sont les raisons pour lesquelles on accepte des choses qui ne sont pas acceptables par un esprit critique qui est capable d'avoir des doutes, qui est capable de chercher à établir une réalité avec toute l'objectivité possible. L'objectivité menace quand ça arrange. Vous êtes, vous le dites, vous vous en revendiquez, Hubert Reeves, un indécrottable optimiste. Est-ce que c'est compliqué? Comment est-ce qu'on reste optimiste avec la force de caractère qui est la vôtre en 2017 quand on parle de biodiversité, quand on parle du retour de la pensée créationniste, du climato-scepticisme, de tous ces paramètres-là? Oui, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. J'ai pas vraiment de... Je sais que je suis par nature optimiste. D'où ça vient? Freud vous dirait de mon enfance, j'avais une mère très dynamique. Vous voyez, on va commencer à parler de psychanalyse. Je vivais dans une famille dynamique qui adorait la nature, mais ça, ce n'est pas de la rationalité. C'est comme ça, c'est un cadeau, peut-être, aussi un cadeau de naître avec une, avec la conviction, mais ça, c'est plus rationnel, que quand on dit c'est foutu, c'est foutu. C'est qu'il ne faut volontaristement pas admettre que c'est foutu. J'aime beaucoup prendre l'exemple de Winston Churchill, qui est quelqu'un que j'ai toujours admiré, qui dit non à Hitler. Non, t'as beau être le plus fort, c'est non. Cette volonté de dire je continue, j'essaie quand même d'avoir de l'espoir, je fais ce que je veux, je ne céderai pas, c'est pas une attitude intellectuelle, c'est une attitude qui est mélangée intellectuelle et affective, effectivement. Moi, si j'ai commencé à m'occuper de biodiversité et d'écologie, c'est parce que j'ai des enfants et des petits-enfants et je vois très bien que l'avenir pourrait être pour eux beaucoup plus difficile que pour nous. Donc, c'est un peu une défense de dire non, on va s'accrocher. Tant qu'on a dit qu'il y a quelque chose de possible, c'est possible. Personne ne connaît l'avenir. Peut-être ça marchera pas, peut-être ça marchera. On fait comme si ça va marcher, parce que si on fait comme si ça marchera pas, ça marchera pas. C'est un peu l'attitude. Merci. J'aimerais parler avec vous d'un aspect de la physique qui est assez stupéfiant. C'est qu'en physique, la physique a la particularité de faire des expériences de pensée. Einstein émet des théories, par exemple, prenons Einstein au hasard, et puis ces théories, restent des équations, des lignes de calcul, et de temps en temps, parfois, rarement, eh bien, on se rend compte qu'elles correspondent à la réalité, qu'on a pu modéliser, penser le monde, la réalité, la matière, les particules, le temps, et que c'est une réalité. Comment vous avez réagi, par exemple, quand on a confirmé, puisque c'est l'un des exemples, l'existence du boson de Higgs? Oui, alors ça, effectivement, c'est un aspect tout à fait fascinant. Les mathématiques, c'est un domaine extrêmement riche. Il y a énormément de systèmes mathématiques qui sont complets, qui sont rigoureux, mais qui, jusqu'à nouvel ordre, ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé d'objet dans la réalité auquel il correspond. On a trouvé au XXe siècle deux nouveaux domaines de la mathématique, nouveaux développés autour du XIXe siècle, qui était ce qui est les mathématiques qui sont à la base de la relativité d'Einstein, les géométries de Riemann, et puis les mathématiques qui sont à la base de la physique quantique, c'est-à-dire les modèles de, comment est-ce qu'il s'appelle, Hilbert. Alors, pourquoi ceux-là et pourquoi pas d'autres? Ça fait partie des questions qui se posent. Mathématiquement, ce sont des systèmes tout à fait cohérents, bien établis, mais il y en a, comme je vous dis, des douzaines, des centaines d'autres. Pourquoi la nature, fameuse nature, pourquoi la nature a-t-elle adapté, si on peut employer ce langage anthropomorphique, pourquoi a-t-elle adopté ces mathématiques, mais avec une précision fantastique? Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, ce qui est remarquable, ce qui stupéfait tous les physiciens, c'est la capacité des êtres humains d'étudier et d'apprendre la nature avec une précision fantastique. Pour vivre, généralement, on dit, les facultés mentales se développent pour pouvoir vivre dans un univers hostile. La règle, c'est toujours manger et ne pas être mangé, n'est-ce pas? Eh bien, on n'a pas besoin pour ça d'être capable d'obtenir des mesures qui collent avec la réalité, avec une précision d'une partie dans un milliard. La physique quantique, la relativité ont des théories qui collent avec la réalité, avec une précision d'une partie dans un milliard. Enfin, une incertitude dans un milliard. Nous venons, nous, des chimpanzés, nous le savons. Les chimpanzés, je ne pense pas qu'ils soient bien intéressés à ce genre de choses. Ils peuvent se débrouiller très bien. Peut-être qu'ils savent compter jusqu'à 5 ou 6 pour manger des pommes, ou je ne sais pas. Mais on ne voit pas comment l'évolution, qui généralement est donnée comme la motivation pour le développement de ce qu'on appelle des avantages adaptatifs, c'est-à-dire des avantages qui font qu'on puisse vivre, qu'on puisse survivre, eh bien, pourquoi nous avons-nous cette capacité? Ça, c'est ce que Einstein, Wheeler et d'autres ont tous dit. C'est absolument inimaginable, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que notre esprit, qui s'est développé dans un contexte évolutionniste à la Darwin et tout ça, comment il est arrivé à ces prouesses fantastiques? Ça, c'est un élément stupéfiant. Il y a une autre découverte importante, essentielle, qui est très récente en astrophysique, qui vient confirmer pour la première fois quelque chose qui, pour le moment, n'était qu'un modèle théorique, l'existence des trous noirs. C'est l'enregistrement, l'observation des ondes gravitationnelles. Et ça, c'est quelque chose qui vous a touché de près, à vous. Oui, c'est un peu dans le même contexte. Einstein, pour expliquer le comportement de la matière visible ou invisible, les accélérateurs et tout cela, s'aperçoit qu'il y a une théorie, qui sont les théories de Riemann et de Gauss, qui peuvent donner accès à la capacité de comprendre cette physique avec une très grande précision. Eh bien, alors il développe cette théorie, et à partir de cette théorie, il peut développer les conséquences de cette théorie, et il s'aperçoit, bon, il en développe plusieurs conséquences intéressantes, mais une d'entre elles, c'est l'existence des trous noirs, et surtout, en l'occurrence, des ondes gravitationnelles. Alors, c'est quoi les ondes gravitationnelles? Eh bien, je vais vous dire, je vais faire des ondes gravitationnelles pour vous. Je fais ça. Dès que je prends de la matière, que j'accélère de la matière, elle émet des ondes gravitationnelles. Exactement comme si j'avais une charge électrique et que je l'actionnais, je ferais des ondes électromagnétiques, de la lumière. Ça, c'est connu depuis les années 1850-60, Maxwell, toute la théorie électromagnétique, la chimie, la lumière est comprise. Quand une charge électrique se déplace, elle émet de la lumière. Ce qu'Einstein avait prévu, c'est que quand on déplace non pas une charge, mais une masse, on l'accélère, elle émet un autre type d'onde, totalement différent, mais elle émet ces ondes. Mais Einstein, ayant prévu cela comme une conséquence de sa théorie, a fait quelques calculs. Il s'est dit, oui, mais les ondes qui sont émises par les mouvements de matière sont tellement faible que lui pensait jamais on pourrait les détecter. Alors ça, c'est là, on est dans les années 1915-1920. Depuis ce temps, la technologie s'est développée formidablement et on a réussi l'an passé, c'est une des grandes nouvelles de l'année, à détecter des ondes gravitationnelles émises par des astres, qui sont des trous noirs en fait, et à découvrir que nous avions là une nouvelle astronomie. Toute l'astronomie présente depuis les Grecs, depuis Ptolémée jusqu'à maintenant, est faite à partir de la lumière, ces ondes électromagnétiques. Depuis une vingtaine d'années, on a un autre canal, qui est les neutrinos, qui sont aussi des particules émises par le Soleil, par les astres. Et maintenant, nous avons une troisième voie, qui est précisément ces ondes gravitationnelles. Alors, la différence, c'est donc des ondes extrêmement faibles, donc il faut des émetteurs gigantesques. Si je déplace mon point, vous ne sentez rien. Mais si je déplaçais la galaxie entière, vous pourriez ressentir les vibrations, comme vous observez quand vous lancez un caillou dans l'eau. C'est tout à fait pareil, vous lancez un caillou, vous voyez des petites ondes qui partent. Donc aujourd'hui, nous avons la preuve que ces ondes gravitationnelles existent, encore une fois, à partir de sa théorie. Ça, c'est la merveille de la théorie, de prévoir. Vous commencez par faire un schéma mathématique qui explique ce que vous observez, vous le prenez pour prévoir d'autres choses, et vous dites, est-ce que ces choses-là existent? Des fois oui, des fois non, d'ailleurs. C'est jamais sûr a priori. Mais Einstein a été particulièrement chanceux, parce que la quantité de choses qu'il a prévues et qui sont arrivées sont absolument gigantesques. Ce qui veut dire, en résumé, que tout ce qui bouge dans l'univers émet des ondes de gravité. Mais il faut des très gros objets qui bougent très vite pour avoir des vraies émissions importantes. Alors c'est quoi? Ben, c'est des étoiles, c'est des trous noirs, c'est des galaxies, qui des explosions, et en particulier, on s'intéresse beaucoup évidemment au Big Bang. Parce qu'un autre avantage de la théorie des ondes gravitationnelles, la lumière vous permet de remonter dans le passé de l'univers. Mais pas très loin. Vous n'arrivez pas jusqu'au Big Bang avec la lumière. Vous allez à peu près jusqu'à 400 000 ans après le Big Bang. Bon, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Le Big Bang, c'est 14 milliards d'années. 400 000 ans, vous n'êtes pas loin. Les neutrinos, vous allez encore plus proche. Vous allez à peu près jusqu'à une seconde après le Big Bang. Les ondes gravitationnelles, jusqu'au tout premier temps. Il n'est pas impossible que nous recevions des émissions, c'est-à-dire des messages, comme la lumière pour l'astronomie, qui viennent du Big Bang lui-même. C'est pas sûr, mais en tout cas, on vient de commencer, cette période de l'astronomie gravitationnelle vient de commencer, on a déjà deux ou trois mesures. On est en train de faire des instruments toujours plus puissants, en particulier, aujourd'hui, nous avons des détecteurs au sol. C'est des grands détecteurs, ils font 4 ou 5 kilomètres, c'est énorme. Mais on va en mettre dans l'espace. Et dans l'espace, on peut les mettre très loin et avoir beaucoup plus de résultats. Et dans les années qui suivront, on va certainement avoir toute une nouvelle astronomie. C'est un peu comme imaginer que vous soyez né aveugle. Vous connaissez le monde par ce que vous entendez. Vous connaissez un peu partout. Quelqu'un vous guérit, vous voyez. Vous avez deux sortes d'informations sur le monde. Celles qui vous viennent de vos oreilles depuis le temps, celles qui viennent récemment. C'est la même chose. On ajoute un nouveau domaine d'observation permettant d'ajouter des éléments d'observation qui vont permettre de regrouper et de comprendre mieux ce qui se passe. C'est ça l'histoire de l'astronomie gravitationnelle qui débute. C'est une formidable victoire de la pensée, de la recherche, que d'avoir émis il y a un siècle des hypothèses, des équations qui prévoyaient l'existence de ces ondes, et d'avoir aujourd'hui réussi à mettre au point la technologie nécessaire pour pouvoir les identifier. C'est une superbe victoire scientifique et une magnifique victoire de la pensée. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un grand exploit. Il y a autre chose sur lequel j'aimerais avoir votre avis, Hubert Reeves. On a parlé d'Einstein, de la théorie de la relativité générale, on a parlé de la physique quantique, l'un décrit les phénomènes macroscopiques gigantesques à l'échelle de l'univers, l'autre décrit la vie des particules, les phénomènes microscopiques. Les deux fonctionnent très bien, chacun de leur côté, mais on a du mal à les faire fonctionner ensemble. Et beaucoup de physiciens, la recherche en physique fondamentale, cherchent ce qu'on appelle une théorie du tout, cherchent à unifier la physique. Vous pensez que c'est un nouveau chapitre de la physique qui reste à écrire? Quel est votre regard là-dessus? Oui, alors ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Ce sont deux théories qui marchent formidablement bien, chacune dans leur domaine. Mais quand il y a des domaines qui se recoupent, ça ne marche plus. C'est le problème majeur aujourd'hui de la physique, c'est que nous n'avons pas de théorie quantique des grandes dimensions. Ça reste un graal que l'on cherche à obtenir. La dernière évolution de cela, c'est vers les années 1930. On n'a rien eu de nouveau sur ce plan depuis cette période. Ça reste fondamentalement important parce que la nature, on se dit, elle doit être une. Il n'est pas impossible que la réalité soit contradictoire. Et on l'espère. Peut-être, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais en tout cas, on vit de ce rêve. C'est justement un rêve. Les physiciens rêvent de pouvoir unifier les deux théories. C'est la seule façon. Ça nous bloque dans deux domaines différents. Le domaine des trous noirs. Les trous noirs sont un lieu où les deux théories s'expriment, chacune à leur façon, et ce qu'ils en disent est contradictoire. La même chose pour le Big Bang. C'est pour ça qu'on n'est pas satisfait. Donc, tant qu'on n'aura pas unifié ces deux théories, on saura qu'on est dans un état incertain, un état très dénué, on est très loin de ce qu'on peut appeler une théorie définitive ou du tout, comme vous voulez. Pour l'instant, ça reste quelque chose de totalement qui est dans l'avenir, dans le futur, du niveau de l'espoir. Encore une fois, on ne sait pas. Personne ne peut dire jusqu'où l'esprit humain peut aller dans la compréhension du monde par la science. On est allé très loin, on fait des progrès continuellement, c'est encourageant, on ne voit pas de limite pour l'instant, on apprend toujours des choses nouvelles, mais ça ne veut pas dire que notre esprit est capable de comprendre tout. Moi, j'aime beaucoup comparer cela avec, par exemple, vous n'auriez pas l'idée d'enseigner la géométrie à votre chat. Parce que vous savez bien que votre chat, d'abord, ça ne l'intéresse pas. Et puis, je ne suis pas sûr que son cerveau soit capable de comprendre ça. Eh bien, nous sommes une espèce parmi des millions d'autres. Nous avons un cerveau plus capable de penser, la pensée abstraite. En tout cas, nous sommes certainement les champions de la pensée abstraite. Aucune espèce animale n'a fait la théorie de la relativité. Et aucun chat ne nous a fait des cours de géométrie. Mais ça ne veut pas dire que nous soyons capables de tout comprendre. Ça reste une question. La science est une aventure. Jusqu'où pourrons-nous aller dans l'étude, dans la compréhension de l'univers? On n'en sait rien, on essaie. Donc c'est vraiment une aventure. Il paraît que le chat de Schrödinger avait des choses à dire sur la mécanique quantique. Oui. Mais peut-être à son dépit. Bon, on sait toujours pas s'il est mort ou vivant. Dans le quart d'heure qui nous reste, Hubert Rive, ce forum s'appelle l'année vue par les sciences. Parlons de votre regard sur l'actualité scientifique, puisque vous avez eu l'oreille des présidents, vous avez même eu récemment l'oreille d'un candidat à l'élection. Nous sommes en année électorale. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la recherche et la science ont la place qu'ils méritent dans le débat public? Bon, la réponse est évidemment non, depuis toujours, je dirais pour toujours, parce que les scientifiques en veulent toujours plus, c'est normal, c'est important, c'est fondamental, mais nous ne sommes pas seuls sur le panel, il y a d'autres personnes qui ont des choses à dire. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la question autour des 2 à 3%. Ce qui est l'objectif de reconnu et atteint par plusieurs pays, c'est que 3% des crédits de l'État soit assigné à une recherche fondamentale, c'est-à-dire une recherche qui n'a pas d'application immédiate, qui ne va pas tout de suite donner de l'argent. Et on sait très bien que c'est fondamental parce que la plupart des choses que nous avons aujourd'hui, le laser, beaucoup d'éléments ont été obtenus par des gens qui travaillaient dans les domaines où il n'y avait évidemment aucun espoir. On ne voyait vraiment pas ce que ça pourrait donner. Donc cette idée qui est, il vaut la peine de chercher à comprendre mieux la nature, même s'il n'y a pas de résultats financiers évidents devant, eh bien, ça reste une idée fondamentale. Mais évidemment, c'est elle qui est mise en question chaque fois qu'il faut couper les budgets, parce que quand les États veulent couper les budgets, où est-ce qu'ils prennent l'argent? Chez des trucs inutiles, sans se rendre compte que dans le fond, bon, vous connaissez cette histoire. Donc aujourd'hui, la France, je crois, était à 2%. 2,24. 2,24%, oui, c'est ça. Et on aimerait atteindre le 3%, ce qui paraît très raisonnable, même si chacun d'entre nous scientifiques donnerait bien 50% si nous avions le choix, mais il faut pas être, faut être réaliste. Plusieurs responsables d'institutions scientifiques, le CNRS, le CEA, l'INSERM, se sont inquiétés publiquement de ce qu'ils qualifient de risque de décrochage, de perte d'une génération. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, pas seulement aux États-Unis où c'est plus manifeste, mais qu'en France aussi, la science, la recherche sont en péril? Ben, je dirais perpétuellement. Peut-être plus maintenant qu'à d'autres périodes. Il y a eu des périodes plus fastes, moins fastes. C'est généralement le cas. Je ne dirais pas ça si j'étais en Chine, par exemple. Parce qu'en Chine, là, c'est le vent en poupe. Bon, l'histoire de l'humanité, c'est un peu ça. Il y a des pays qui ont foncé, qui ont beaucoup avancé. D'autres qui refusent de faire quoi que ce soit qui ne soit pas. Je ne vois pas très bien comment les pays du Golfe pourraient s'intéresser d'une façon... Ils s'intéressent beaucoup, ils mettent beaucoup d'argent, mais avec des moyens qui sont pas rentables, qui sont pas intéressants. Donc c'est une vieille histoire, et je crois que c'est la part, c'est la, le travail des scientifiques et de tout le monde de défendre la recherche pour la recherche, c'est-à-dire donner, on ne prend pas pour acquis que ça donnera quelque chose, on valorise la connaissance. Personne n'est obligé de valoriser la connaissance, mais je crois que beaucoup de gens aime, favorise la connaissance, ça devient un idéal humain, je pense, parmi les plus valables. Donc, je le verrai comme ça. Alors, je voudrais donner trois choses, justement, pour parler d'un autre sujet. C'est, je vais revenir à cette question de l'élimination possible de l'humanité. Alors, question. Pourquoi défendre l'humanité? Beaucoup de gens disent, il y a eu 10 millions d'espèces, des espèces sont disparues, d'autres sont apparues, après tout, est-ce que c'est pas une simple anecdote que de penser, évidemment, pour nous? Non. Mais, vu de haut, du point de vue de Sirius, est-ce que c'est pas une simple anecdote que la destruction de l'humanité? Alors, j'aime dire qu'il y a trois éléments qui me paraissent, qui sont des éléments que seule l'humanité a mis sur place, a fait apparaître. Que si l'humanité disparaissait, ces éléments disparaîtraient et que ce serait dommage. Le premier, c'est l'art. C'est Mozart, c'est Beethoven, c'est tous vos compositeurs favoris, les peintres, toute cette culture, cette création artistique qui est l'œuvre de l'humanité. On n'a jamais vu des fourmis faire des Stradivarius. C'est quelque chose... La Terre a vécu pendant longtemps sans nous. Et elle pourrait continuer à vivre sans nous, mais ce serait dommage de perdre ces trois éléments. Le premier, c'est l'art. Le deuxième, c'est la science. Nous sommes la seule espèce qui a pu déchiffrer les lois de la nature, qui a pu comprendre l'histoire du cosmos depuis le Big Bang, qui a pu comprendre les mécanismes de la vie pour permettre la médecine et tout cela. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, je vais vous le raconter par une petite histoire. Voilà un nid d'oiseau. Dans ce nid d'oiseau, il y a 4 oisillons. 2 sont malades. 2 sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent les oisillons en santé, laissent mourir les oisillons malades. C'est ce que nous disent les biologistes. Pourquoi? Parce que les oisillons en santé ont plus de chances d'avoir des gènes en santé. De sorte que pour la poursuite de la lignée, c'est plus intéressant de faire vivre les oisillons en santé que les oisillons malades. Dans une famille humaine, 2 enfants, 1 malade, 1 en santé, les parents s'occupent de l'enfant malade quelquefois plus que de l'enfant en santé. Ce qui n'est pas raisonnable, puisqu'il a peut-être des gènes en moins bonne santé. Qu'est-ce qui fait la différence entre les oisillons et les êtres humains? C'est qu'il s'est développé pendant l'évolution un facteur que nous appelons la compassion et qui fait que nous souffrons de voir les autres souffrir. Nous ne sommes pas indifférents à la souffrance des autres. Ça, c'est ce qui est la base d'Amnesty International, c'est à la base de la Croix-Rouge, c'est à la base de la médecine, tout cela. Donc je crois que ces trois éléments disparaîtraient si nous devions disparaître. Les lions s'intéressent aux gazelles malades, mais c'est pas pour les soigner. La différence, c'est justement cet élément de compassion qu'on retrouve d'ailleurs chez certains animaux, on connaît des événements, mais qui est particulièrement développé et socialement développé chez les êtres humains. C'est pas simplement individuel, c'est organisé, la Croix-Rouge, Amnesty International. Donc pour moi, ce sont les trois éléments qui me paraissent indispensables, qui valent la peine de préserver l'humanité, qui de dire ce serait dommage si nous disparissions. Alors, la vie continuerait, mais vous imaginez que les termites n'épargneraient pas les Stradivarius, par exemple. Ce serait quelque chose de terminé, mais ce serait dommage. Pour rebondir, aujourd'hui, vous êtes donc président d'honneur de l'Agence de la biodiversité. C'est quelque chose qui a aussi beaucoup évolué ces dernières années. Avant, il y avait un parti écologiste. Aujourd'hui, l'écologie s'est indiscutablement diffusée dans la société et dans le discours public. Est-ce que, à votre avis, Hubert Reeves, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut continuer encore, toujours, à se battre pour cette écologie politique? Ce qui m'inquiète, c'est que la campagne électorale aujourd'hui, la biodiversité et l'écologie n'est pas très présente. Ça se trouve que c'est vraiment lamentable. Aujourd'hui, nous savons de plus en plus jusqu'à quel point ces questions sont graves. Aujourd'hui, la plupart, il y a quelques exceptions, mais la plupart des grands partis, des grandes campagnes politiques ne vous parlent pas de biodiversité. Ils vous parlent de choses importantes, chômage, économie, bien sûr, c'est important. Mais l'écologie, si l'écologie n'est pas là, l'économie s'effondre. C'est évident. N'importe qui regarde la situation montre que si on continue à saccager la planète, nous sommes tous emportés, même économiquement. Donc, moi, je dirais, on peut essayer de faire ce qu'il faut. En tout cas, nous, avec notre association, nous avons effectivement pris parti de quitter les éclairages, les clivages. L'écologie, c'est pas de gauche ou de droite, c'est trop sérieux pour être laissé à des questions politiques de gauche et de droite. Donc, il faut essayer d'être sorti de ce clivage et de se dire, c'est fondamental. Nous devons cesser de saccager la planète. À l'heure où l'on parle pourtant d'une sixième extinction de masse, quelle est, selon vous, l'action urgente à prendre pour empêcher ce désastre? Alors, une des premières choses, c'est d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Pas tout de suite, mais rapidement. C'est d'arrêter de sortir du pétrole du sol et du charbon du sol. Et ça, il faut dire que le pape a joué un rôle très positif quand il a présenté l'idée que c'est une question morale, c'est pas simplement une question économique. On ne peut pas continuer à favoriser une industrie qui menace de mort des millions de gens, ce qui serait le réchauffement climatique. Donc sur ce point, la chose, je dirais, la plus importante, c'est la taxe carbone. Et la taxe carbone, elle ne pourra l'obtenir que lorsqu'il y aura une entente internationale. Il est évident que l'Europe ne peut pas imposer la taxe carbone si les Chinois ne l'imposent pas, parce qu'ils se mettent en difficulté sur le plan économique. Ça a des répercussions économiques. La très bonne nouvelle qui s'est passée il y a 2 ans, c'est la COP21, dans laquelle, pour la première fois, l'humanité entière s'est mise d'accord sur un point. À la fin de la COP21, 195 pays, c'est-à-dire grosso modo toute l'humanité, a reconnu qu'il y avait un problème majeur. Ça, c'est déjà un point important, qu'il y a eu une unanimité sur l'existence d'un problème. Ce problème, c'est le réchauffement climatique, et le but, c'est de limiter à, bon, on espère 2 degrés, c'est pas sûr, mais enfin, limiter ce réchauffement, sachant que, pour employer le mot politique correct mais terrible, ça deviendra ingérable. Si vous regardez ce qui s'est passé aux Philippines quand il y a eu la dernière tempête avec des vents à 300 km à l'heure, on n'avait jamais vu ça. Donc ça, c'est un point positif, c'est la nécessité d'avoir une gouvernance mondiale, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'échelle de l'humanité et qui a du pouvoir. C'est pas les Nations Unies, c'est pas l'UNESCO qui sont plutôt consultatifs, mais qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ils l'ont prouvé récemment encore autour de l'histoire de la Syrie. C'est d'arriver à cela, et ce qui s'est passé en 2015, c'est un premier pas dans cette direction. Donc je crois que là aussi, je crois qu'il y a un avenir possible. Vous m'en direz pourquoi je suis optimiste. Des fois, c'est pour ça que c'est que je vois qu'il y a des, il y a un avenir possible. Et cet avenir possible, il est écrit dans le fait qu'il n'y a pas que de la détérioration, il y a beaucoup de restauration, il y a beaucoup de villes, d'endroits dans le monde où des gens font des choses fantastiques pour essayer, c'est surtout les municipalités qui sont à l'avant-garde un peu partout, c'est pas les gouvernements ils prennent le train en marche, si ça marche ils le prendront, c'est les municipalités qui deviennent rapidement vertes un peu partout, et ça c'est ce qui donne de l'espoir. Il nous reste plus que quelques minutes, Hubert Rives, c'est votre leçon de clôture. Donc, la parole est à vous. Quel est le message que vous souhaitez délivrer? Je pense, par exemple, aux jeunes générations, aux gens qui s'intéressent à la recherche, aux jeunes chercheurs, à ce que sera la science de demain. Oui, je dirais la chose intéressante aujourd'hui, c'est que derrière une crise, il y a toujours des avantages, pas de désavantages. Il y a des désavantages, mais des avantages. C'est-à-dire que ça met en évidence certains problèmes qui n'était pas mis en évidence auparavant, ça a mis en évidence le comportement grave et nocif de l'humanité et la nécessité d'y remédier et d'obtenir d'abord quelque chose comme une gouvernance mondiale, si chaque pays a sa possibilité, on va nulle part, et qu'il y a des objectifs et que ces objectifs sont dans un sens des objectifs nobles, c'est-à-dire sauver la culture, sauver la science, sauver la compassion. Je dirais, c'est les trois objectifs qui sont mis en évidence parce que on n'a plus le choix maintenant. On sait que si on n'y arrive pas, on est foutu. C'était pas le cas dans le passé. Aujourd'hui, ça met en évidence la fragilité de l'humanité par rapport à son comportement et son comportement global, ce qui est toujours beaucoup plus difficile à cause du fameux PFH. Ce sera votre mot de la fin. Mot de la fin. Mesdames et messieurs, Hubert Rives. Merci. Merci. C'était le dernier numéro de ces rediffusions estivales de la méthode scientifique. On se retrouve à partir de lundi à 16h, du lundi au vendredi, toute la semaine, pour une nouvelle saison, avec des nouvelles thématiques, des nouveaux invités. Bref, une méthode scientifique saison 2, toute neuve, toute fraîche, pour la rentrée, jusqu'à preuve du contraire.